J'fais des lem lem lem lem. T'as le sem sem sem sem. J'fais des lem lem lem lem. J'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem. T'as le sem sem sem sem. J'fais des lem lem lem lem. J'nique des rum rum rum rum. Clic, semi-auto. Ah, j'ai du liquide amniotique. Devenu automatique dans le catmatic. Sorti de l'école de la République. Des lards, poussi, poussi. Parle pas ou bien parle en nouchi. Plus d'armée de soucis, mon seul problème désormais est de choisir entre le caviar et les sushis. Je m'allume ma grosse part. Elle a vu ma grosse part. Elle fait le grand écart. J'ai de la mouille dans la beubar. Contrôle de police, ma guy, il me reconnaît, me demande une photo pour son fils. Il me laisse repartir dans une gova pétard dans la boîte à gants. Mon pétard sous le siège, un gom-gom. Demi-tour en marchant mon chewing-gum, gom-gom. On va plus leur faire de crédit. On fait plus la guerre entre eux. Je crois bien que tout est dit. J'sors mon arme, j'amanie, j'porte un jean Armani avec une paire de Bousemis. Leur faire du le ça, on pourrait. J'suis dans mon rose beau bois, j'allume la LED juste pour voir ta raie en Blu-ray. J'fais des lem lem lem lem. T'as le sem sem sem sem. J'fais des lem lem lem lem. J'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem. T'as le sem sem sem sem. J'fais des lem lem lem lem. J'nique des rum rum rum rum. Sors pas ta caisse, c'est le drive, dis-nous vite, tu prends quoi? Les bibisseurs bloquent l'ascenseur devant toi. J'bouge pas, j'me pose dans le hall en été ou dans le froid. J'attends les polos, t'attends ton conseiller au pôle emploi. Lunettes, casquettes, fuck toi et ton képi. Quatre grosses baltringues dans une Ford Mégral, font képi. Fais bien la fête, n'oublie surtout pas que t'es mon petit. M'invite pas à ce qui sort, mon canon c'est pas des confettis. Ils ont vu mon casse-rier, ils ont cru à l'accident, c'est juste qu'elle suce avec les dents. Posé comme un bâtiment, je ne fais plus de sentiments, je crache dans tous les compartiments. Kandahar, Kandahar, Gandora, Gandora, double calache, on t'aura. Produit dans la planque, cracker sans manque, j'suis dans le tank, c'est pas un prank. J'fais des lem lem lem lem. T'as le sem sem sem sem. J'fais des lem lem lem lem. J'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem. T'as le sem sem sem sem. J'fais des lem lem lem lem. J'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem. T'as le sem sem sem sem. J'fais des lem lem lem lem. J'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem. T'as le sem sem sem sem. J'fais des lem lem lem lem. J'nique des rum rum rum rum.